Chapitre 18e. Cette façon de demander en faisant valoir des droits au partage avait exaspéré Adeline. Vraiment, ce Salzmann était trop impudent. Pourquoi 10 000 francs seulement et non le tout? Est-ce que si lui, Adeline, avait perdu au lieu de gagner, Salzmann serait venu lui proposer de prendre une part dans sa perte? D'ordinaire, il savait mal refuser, mais cette fois, il avait répondu comme il fallait à ce drôle. Heureusement, il serait bientôt débarrassé de celui-là et des autres séparés. Car s'il n'avait pas donné sa démission ce soir-là, après avoir payé sa dette à la caisse, il n'en était pas moins décidé à maintenir cette démission et à abandonner le grand-fils aussitôt qu'il pourrait le faire décemment, sans paraître se sauver comme en ce moment. Ce n'était plus maintenant qu'une affaire de jour. La partie de cette nuit serait vite oubliée. Alors il sortirait du grand-fils pour ne jamais remonter son escalier, ni celui-là, ni aucun escalier de cercle. L'expérience qu'il avait faite suffisait, il ne toucherait plus à aucune carte. Mais il se trompait, en croyant qu'on oublierait vite cette partie. Le lendemain, à la chambre, on ne lui parla que de sa veine extraordinaire. Il eut même un de ses collègues qui lui demanda sérieusement s'il était vrai, comme on le racontait, qu'il lui gagnait 500 000 francs. Adeline se récria, « On ne parle que de ça !» Et au regard qui le poursuivait, Adeline vit qu'on s'occupait en effet de lui beaucoup plus qu'il n'aurait voulu. On chuchotait, on se taisait quand il approchait. Il trouva qu'il passait vraiment trop à l'état de phénomène. La première fois qu'il avait fait un gros gain, ses amis l'en avaient plaisanté. Maintenant, semblait-il, ce n'était plus de la plaisanterie, c'était de l'étonnement. Qu'avait-il d'étonnant à ce qu'il eût gagné près de 90 000 francs? Était-ce un de ces gains extraordinaires qui peuvent provoquer la surprise? Au cercle, il retrouva Salzmann et eut la stupéfaction de voir celui-ci l'aborder comme s'il ne s'était rien passé entre eux dans la nuit. « Je ne vous en veux pas, mon cher président, » dit l'Américain. « J'avoue même qu'à votre place, j'aurais probablement répondu comme vous. Seulement, il est bien entendu que si je vous repasse jamais une suite du même genre, nous ferons nos conditions avant, n'est-ce pas ?» Ces paroles étaient bizarres. Le ton qui était celui de la bonhomie et de la drôlerie leur enlevait toute signification douteuse. Adeline ne chercha non pas autre chose que ce qu'il avait compris, l'intention chez l'Américain de tourner en plaisanterie ce qui avait commencé par être sérieux et n'avait pas réussi sous cette forme. Mais 3 jours après se présenta un incident qui lui fit se demander s'il ne s'était pas trompé. C'était le soir. La partie était assez animée et Salzmann venait de prendre la banque. On avait apporté des cartes que Camille avait battues pendant que Salzmann répétait d'une voix indifférente « Messieurs, faites votre jeu ». Et le jeu se faisait mal, les pontes ne paraissant pas disposées à aventurer de grosses sommes avec ce nouveau banquier. Au moment où le croupier présentait les cartes à un joueur pour les faire couper, un autre joueur avança la main et les prit. « Permettez » dit-il. À ce moment même, Adeline arrivait auprès de la table et vit le joueur qui avait pris les cartes se préparer à les battre sérieusement. « Qu'est-ce à dire ?» demanda Salzmann, qui avait eu un court instant d'hésitation, un homme qui se demande s'il va se fâcher de cette marque de défiance, ou s'il ne va pas la relever. Bien que cette question eût été faite sur le ton de la provocation, ce fut avec calme et sans élever la voix que le joueur répondit « Rien d'autre que ce que je fais ». Et avec le même calme, il continua à battre les cartes, qui claquaient entre ses doigts. Salzmann était un grand gaillard d'Américain maigre, comme s'il était desséché dans l'alcool, qui, du haut de son fauteuil de banquier, paraissait plus grand encore. Il essaya d'asséner à cet insolent en regard de défi, mais l'insolent, bien que tout petit et chétif, ne se laissa pas intimider. Il soutint ce regard et lui répondit. « Est-ce une querelle que vous me cherchez ?» demanda Salzmann. « Est-ce chercher une querelle que d'user de son droit ?»« Messieurs, messieurs !» dit Adeline en intervenant vivement. « Ne craignez rien, mon cher président, » dit Salzmann, « je cède la place à monsieur. » D'un air de dignité hautaine, qui n'était pas précisément en accord avec ses paroles, il se leva de son fauteuil. « Comme cela, l'affaire n'aura pas de suite, » dit le joueur, qui décidément ne perdait pas la tête. Tout à l'algarade qui venait de se produire et à laquelle il avait coupé court par son intervention, Adeline ne pensa pas immédiatement à ce dernier mot. Ce ne fut que plus tard qu'il se le rappela et l'examina. « L'affaire n'aura pas de suite. » Que voulait dire cela ? Était-ce simplement le cri de triomphe d'un grincheux, constatant qu'on n'osait pas lui tenir tête ? Ou bien n'était-ce pas une allusion à la suite que lui, Adeline, avait prise quand Salzmann avait abandonné sa banque ? Cette supposition le jeta dans un trouble profond. Si elle était fondée, il y avait derrière elle une accusation qui s'adressait à lui. Il resta étourdi sous le coup dont cette pensée le frappa. L'affaire n'aura pas de suite. On croyait donc que, comme il avait pris la suite de Salzmann, il allait la prendre encore et de nouveau gagner comme il avait gagné ce soir-là. C'est-à-dire que l'injure faite à Salzmann en lui battant les cartes jaillissait sur lui. Il ne dormit pas cette nuit-là, et jusqu'au jour, il tourna et retourna cette idée dans sa tête affolée. Depuis qu'il vivait dans son cercle, il avait eu les oreilles rebattues d'histoires de tricherie, et 20 fois, 100 fois, il avait vu les soupçons s'attaquer aux gens, qui à ses yeux étaient les plus honorables. Cependant, jamais l'idée ne lui était venue qu'un jour on pourrait le soupçonner lui-même. Bien qu'il eût toujours été d'humeur pacifique, et que l'âge n'eût fait que confirmer ses dispositions naturelles, il n'était pas homme, cependant, à répondre à ce soupçon qui montait jusqu'à lui comme l'avait fait Salzmann. Il attendit le matin, impatiemment, et aussitôt que l'heure fut arrivée où il avait chance de rencontrer au cercle quelqu'un qui put lui donner le nom et l'adresse de ce joueur qu'il ne connaissait point, il partit pour l'avenue de l'Opéra. Mais justement, il ne rencontra personne pour lui répondre. Tous ceux qui avaient assisté à la scène de la nuit étaient encore chez eux à dormir, et le personnel de service à cette heure matinale ne savait rien. Un garçon croyait que ce joueur était un créole, mais il ne l'affirmait pas. Par qui avait-il été présenté ou amené, il l'ignorait. Sans doute M. de Mussidan, M. Morin, M. Bartelas ou Camille le connaissaient. Il fallut qu'Adeline attendît encore. Le premier qui arriva fut Morin. Mais comme à l'ordinaire il ne savait rien, car dans ce cercle dont il était gérant en nom, tout lui passait par-dessus la tête, et Frédéric l'avait si bien annihilé, si bien terrorisé, qu'il avait pris la prudence habituelle de ne rien voir, pas même ce qui lui crevait les yeux. Comme cela, il ne risque pas de se compromettre. « Je chercherai, je réfléchirai, comptez sur moi. » étaient les trois seules réponses qu'il se permit, lorsqu'on lui demandait quelque chose, et il n'en démordait pas. C'était auprès de Frédéric qu'il cherchait, et ce que celui-ci voulait qu'il dît, il le répétait consciencieusement, sans y rien ajouter, sans en rien retrancher. Ce fut ainsi qu'il se tira d'affaire avec Adeline. « Je chercherai, comptez sur moi, monsieur le président. » Enfin, Frédéric arriva, mais lui aussi ignorait le nom de ce joueur et ne savait pas qui l'avait présenté. Alors Adeline se fâcha. « Comment ? C'était ainsi qu'on entrait au Grand-Île ? Alors à quoi servait le comité ? À quoi servait le président ? S'il ne servait à rien, il n'avait qu'à se retirer. Un cercle ainsi administré n'était qu'une simple maison de jeu ouverte à tous. Il ne la couvrirait pas de son nom plus longtemps. » Frédéric, qui devait tant redouter cette démission, commençait justement à se rassurer et à croire que la séquence, ou plutôt le gain produit par elle, leur avait livré Adeline pour toujours. Il avait si naïvement laissé paraître sa joie, le puchotier, qu'il devait être pris, et bien pris. Voilà que précisément cette menace de démission éclatait quand il s'imaginait qu'il n'en serait plus jamais question. Heureusement, il n'était pas homme à se laisser démonter, et tout de suite il se défendit. On le prenait à l'improviste. Il n'avait pu interroger personne, ni faire aucune recherche. Mais il promettait le nom de ce joueur et de ses parrains, pour le soir même. Ce n'était pas dans un cercle comme le Grand-Île qu'il se passait rien d'irrégulier. Il était de son honneur d'en faire la preuve, et il la ferait pour ce cas particulier comme pour tout. Si belle que fut l'occasion pour se retirer, Adeline ne poussa pas les choses à l'extrême cependant, car il voulait voir ce qu'il y avait sous cette allusion à la suite, et en donnant sa démission, il s'enlevait tout moyen de recherche. « Alors à ce soir, » dit-il, « et n'oubliez pas qu'il me faut ce nom. » Comme l'heure d'aller à la chambre approchait, il ne poussa pas son enquête plus loin pour le moment et se rendit au palais Bourbon. Si les jours précédents, il avait été frappé de la façon dont on le regardait, il le fut bien plus encore dans les dispositions où il se trouvait avec les inquiétudes qui l'angoissaient. Pourquoi cette curiosité ? Il ne pouvait pas le demander cependant, pas même à ses meilleurs amis, et par cela seul, il se trouva singulièrement embarrassé, confus, comme s'il se sentait coupable. Sans se sauver, mais cependant avec un sentiment de soulagement, il entra tout de suite dans la salle des séances, bien que le président ne fût pas encore monté à son fauteuil, et gagna son banc, où il avait Bunou-Bunou pour voisin. Comme toujours, celui-ci était penché sur son pupitre, écrivant, car c'était son habitude d'arriver une heure au moins avant l'ouverture de la séance, et de se mettre à sa correspondance, de sorte qu'il était un sujet de récréation et de conversation pour le public des tribunes, qui occupait les longues minutes de l'attente à regarder dans le vaste hémicycle désert, où ne circulaient que de rares huissiers, ce vieux bonhomme à la tête blanche qui, collé sur son papier, écrivait. « Justement, je vous écrivais, » dit Bunou, quand Adeline, après lui avoir serré la main, s'assit auprès de lui. « Comment ? Quand nous devions nous voir ? C'est une lettre officielle. Lisez-la, vous allez voir de quoi il est question. » « Votre démission de membre du comité du Grand I, » dit Adeline très émue. « Et pourquoi ?» Bunou se montra embarrassé. « Je vous en prie, » insista Adeline. « Je suis fatigué le soir. J'ai besoin de me coucher de bonne heure, alors vous comprenez. » Adeline avait peur de comprendre. Cependant, il eut le courage d'insister. Si cruel que peut être la vérité, il devait la demander. « Ce n'est pas là votre raison, » dit-il le cœur serré. « Votre raison vraie. Je fais appel à votre amitié. » « Parlez-moi franchement, comme à un ami. »« Eh bien, j'ai entendu dire des choses graves, très graves. » Adeline pâlit. « Vous savez mieux que moi qu'à Paris, il est d'usage de donner des surnoms au cercle. Ainsi la Crèmerie, les Mirlitons, le Grand I. Mais ces surnoms sont quelquefois accompagnés d'autres qui sont des qualificatifs. Ainsi, il paraît qu'il y en a un qui s'appelle l'Attique, un autre qu'on appelle la Béotie. » Et ces appellations empruntées à la Grèce sont significatives. Eh bien, ce n'est pas tout. Il paraît que le Grand I s'appelle l'Épire, ou, dans la langue du boulevard, le Pire. Alors j'aime mieux me retirer. Je ne sais si je m'abuse, mais il me semble qu'en restant, je compromettrais ma réélection. Que ferais-je si je cessais d'être député? Je ne suis plus bon à rien. Bien que la chose fût grave, comme le disait Bunou, elle l'était cependant moins qu'Adeline n'avait craint. Il respira. « Vous avez raison, » dit-il, « et je vous approuve si complètement que moi aussi je vais me retirer. Vous feriez cela ? Nous avons réunion du comité mercredi. Venez-y, nous donnerons nos deux démissions en même temps. »« Ah, mon cher ami, » s'écria Bunou, « quel plaisir vous me faites !» Et les tribunes étonnées virent le député aux cheveux blancs serrer les mains de son voisin dans un transport d'effusion. Mais on n'eut pas le temps de s'adresser des questions sur cette scène pathétique. Un flot de députés envahissait la salle, et au dehors, on entendait les tambours battre au champ.